Domba l'Anime propose son marché de Noël samedi 3 et dimanche 4 décembre, salle polyvalente de Dombasle. Sur le thème de Noël blanc, retrouvez de 10h à 18h plus de 75 artisans et commerçants avec produits du terroir, articles fabriqués à la main et bien d'autres. Samedi 3 et dimanche 4 décembre, salle polyvalente de Dombasle, buvette et restauration sur place, entrée libre.